Bonjour tout le monde, Danny Veilleux, le télésport local et régional. C'était le début hier au Centre civique du secteur de Delbeau de la 55e édition du Fisherman. C'est probablement le plus gros, un des plus vieux tournois de curling en région. Et Marc-André Gannard a défait Daniel Laflamme. Jean Turcotte a perdu contre Marc Bergeron. Victoire de Gilles Dufour qui a défait Daniel Bolduc. Christian Savard a vaincu Sylvain Doré. Et un gain également de Jacques Taillon sur Carole Desgagnés. Tant qu'à Raymond Lavoie, ben, il a battu André Gagnon. Donc l'action va reprendre à compter d'aujourd'hui au Centre civique dans le secteur de Delbeau. Maintenant, on va parler de la série entre les Hurricanes de Mascouche et les Rapides de Delbeau-Mississinie qui a débuté hier. Et ça a été un gain des Rapides très facilement, 8-2 sur les Hurricanes de Mascouche. La série va se transporter demain à Mascouche. Les Rapides ont pris les devants 1-0. Maintenant, les Marquis Jokers ont pris les devants dans la série 3-2 contre Laval hier. Un but de Jean-Simon Allard avec 20 secondes à faire dans la rencontre a permis aux Marquis de l'emporter. Les Marquis vont tenter de mettre fin ce soir à la série contre Laval. Le match aura lieu à Laval. Et les glaces du centre sportif du secteur Mistassini vont se terminer en fin de semaine. Pour les glaces extérieures également, c'est la dernière fin de semaine. Tant qu'au complexe sportif du secteur de Delbeau, ça va fermer le 9 avril prochain. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a fait une table ronde avec Pascal Lévesque, descripteur des matchs des Tigres de Victoriaville, et également Sébastien Morin, descripteur des matchs des Saguenayens, où on parle de la série entre les Saguenayens et les Tigres de Victoriaville qui va débuter ce soir à Chicoutimi. Et également, vous pouvez écouter l'instructeur-chef des Hurricanes de Mascouche, Pascal Cloutier. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.